Déjà une heure que je passe à chercher le deuxième, l'autre, la moitié. Depuis ce matin, c'est une obsession, trouver en vain mon deuxième chausson. Déjà deux heures que j'essaie de réparer mon auto qui ne veut pas démarrer. Quand soudain il me vient une idée, faut peut-être tourner la clé. Scabado des dames, des dames, des dames. Déjà trois heures que je passe à cuisiner ma pintade, ma dinde ou mon poulet. Sans la tête, je peux pas l'identifier. Sur la boîte, y'a que la DLC. Déjà quatre heures que j'essaie de m'habiller. Dans mes jeans, je ne peux plus rentrer. Mes t-shirts sont tous délavés. La machine et moi, on est fâchés. Scabado des dames, des dames, des dames. Déjà 5 heures que je passe dans les WC. Une grippe, une gastro m'a assiégé. Les journaux, je les ai tous effeuillés. Ça me rassure, au moins j'ai du papier. Déjà 6 heures que je passe à composer cette chanson juste pour me marrer. Du sommeil que je vais récupérer dans 6 mois ou à la Trinité. Scabado des dames, des dames.